Toujours sur les ondes de CHUO 89.1 FM, vous écoutez l'émission Autour du Bloc avec François-Olivier Doré au micro et à la technique, Pierre-Antoine Rivard-Paquet. En première partie de l'émission, on avait Michel Bock pour les intéressés à réécouter cette entrevue. Elle est disponible en ligne sur notre site web au www.autourdubloc.ca, donc en balado-diffusion. On entame cette deuxième partie avec en studio avec nous les deux slameurs Mehdi Hamdad et David Dufour qui viennent nous parler de cette poésie, de cet art oratoire qui est le slam et de sa présence sur la scène culturelle communautaire ottavienne. Salut les gars. Salut. Le slam, on a tous un peu une idée de ce que c'est. C'est bon, cette forme de poésie, cet art oratoire à saveur souvent très politique et qui peut porter un message très très fort. Pour vous, qu'est-ce que c'est le slam? Pour moi, c'est une... pour moi, Mehdi Hamdad, c'est une forme d'expression qui est surtout très directe, qui est très accessible de cette manière-là. C'est une manière de partager des choses que finalement tout le monde voit et qu'on retrouve dans plein d'autres formes artistiques. T'sais. Mais surtout, la joke, c'est que le slam comme tel, c'est pas une forme artistique, vraiment, ça symbolise, ça parle vraiment d'une joute compétitive, poétique, amicale, tu sais. Mais pour moi, ça symbolise le pont entre les différentes formes artistiques et surtout le pont entre les artistes et le public pour finalement se fondre en un, tu sais. Ouais, ben c'est ça, David, ouais, pour moi c'est pas mal la même chose aussi. Ben c'est ça, slam en tant que tel, comme qu'on parlait tout à l'heure, c'est une soirée poésie axée, ben c'est une compétition, je dis ça, mais c'est plus pour le public aussi là, parce que dans le fond il y a pas de réelle compétition entre les slameurs, si on peut dire, entre guillemets aussi. Il y a tout le temps une bonne chimie entre ceux qui participent quand même. Et puis le slam, je dirais que c'est aussi une certaine forme d'expression de soi-même. Autant qu'il y a de poètes, autant qu'il y a de poèmes différents, il y a de styles différents, parce qu'on est tous un peu uniques en notre façon d'être. Fait que le slam, c'est ça, ça permet justement tous et chacun de se donner un style à eux-mêmes, puis de proclamer un peu son individualisme un peu. C'est intéressant, Mehdi, vous avez mentionné en fait que le slam pouvait se présenter un peu comme un espèce d'amalgame de différents, ou du moins ça emprunte à différents styles d'expression artistique. Vous êtes d'ailleurs vous-même issu d'un milieu artistique qui est différent. David, peut-être plus de la culture rap, et Mehdi, sans doute du théâtre davantage, je pense. Donc, vous en êtes un peu l'incarnation. Vous démontrez finalement que le slam s'inspire de différentes modes d'expression artistique. Ouais, chacun, il vient avec ses propres origines, son propre passé, puis aussi, on pourrait dire ses opinions. Mais je trouve c'est réducteur que le slam, c'est facile de dire ça, que le slam, c'est la tribune pour les opinions du peuple, etc. Puis, je pense, ça peut être réducteur dans le sens que c'est plus qu'une opinion qu'on fait passer à travers ça. Mais c'est sûr que justement, le parcours de tout un chacun se retrouve et a sa place dans l'expression du slam. Mais des fois, il n'y a même pas d'opinion. Ça peut être juste un gars qui va donner un texte, ça va être tellement abstrait, puis il va juste rien dire, mais dans sa forme de l'avoir dit, dans sa poésie, ça va être juste beau, tu sais. Fait que dire que c'est une opinion, là, c'est réducteur un peu aussi. Puis ça aussi, le fait, si le monde il commence à penser ça, ben je pense qu'il y a du monde qui vont être moins ouverts à ça, mais c'est tellement universel aussi, là. C'est ça, je trouve ce qui rend ça trippant, c'est que c'est cru, tu sais. Les gens ressentent ça d'emblée. Ils sentent qu'il n'y a pas de barrière, tu sais. Il n'y a pas l'idée que la ballerine des grands ballets russes qui a eu 30 ans de pratique, il n'y a pas cette idée que ce que la personne fait est incapable de le faire. Il y a cette idée que justement, c'est un dénominateur commun. T'sais. Et la découverte du slam, dans votre cas, personnellement, elle s'est effectuée quand? 2005, No Rules Slam au Parliament Pub, animé par John Akpata. Je découvre qu'est-ce que c'est le slam. Donc, ça fait 4 ans quand même. Ouais. Mais c'est en 2007 que j'ai vraiment embarqué, comment dire, de manière plus constante. Là. Ouais. Moi, c'est 2008. C'était la première saison de Slam Outaouais. J'étais allé parce qu'un de mes amis à moi, Monsieur Galland, Alexandre Skandar Galland, il faisait du slam. Puis un de mes amis m'a dit, va voir, c'est quoi, puis j'ai aimé ça, il y avait un micro ouvert, j'ai participé, puis un peu par accident, j'ai continué à en faire. Mais un peu avant ça aussi, j'ai été initié à Grand Corps Malade, là. Comme qu'on parlait tout à l'heure, sa musique en tant que telle, c'est plus réellement du slam, mais le slam en tant que tel, un concept soirée, c'est l'année passée que j'ai vu ça pour la première fois, puis j'ai eu ma piqûre de ce que c'est. Pour les néophytes, la frontière entre le slam et le rap, et ça, cette question-là est peut-être surtout pour David, cette frontière-là peut, à première vue, sembler un peu floue. Mis à part l'absence de musique, le slam, c'est un, bon, c'est un véhicule expressif qui fait des mots, des sons et du verbe son principal moteur. J'imagine que, de votre point de vue, la différence entre le slam et le rap est beaucoup plus perceptible. Oui, est perceptible, mais c'est dur aussi à la... À la, à la t'sais, à la trouver vraiment, parce que j'avais cet argument-là avec quelqu'un, justement, parce que le rap, c'est rhythm and poetry, c'est ça que ça veut dire, t'sais, fait qu'il y a un rythme et une poésie dans la musique, mais le slam aussi est un rythme à ça, parce que si, d'une façon, tu donnes ton poème, tu y vas avec un certain rythme, je pense à toi, Mehdi, aussi, comme, t'sais, ouais. Tu le vois qu'il y a un rythme, mais le rythme est différent, dans le sens que c'est les mots dans le slam, puis dans le rap, c'est vraiment un métronome, c'est un tempo d'un BPM, d'une certaine, d'un certain rythme, mais aussi, je pense qu'il différencie un peu le rap et le slam, c'est leur origine, donc, d'où que les deux milieux, ou styles ont été émergents, t'sais, le rap, on sait que ça vient plus du Bronx dans les années 70-80, puis le slam, ben, c'est un mouvement qui vient de la France, fait que c'est deux milieux différents, mais c'est très, c'est comme des cousins. C'est parallèle, ouais. C'est parallèle. En fait, il faut que j'interjecte comme néophyte culturel. C'est justement, même en France, les gens pensent que le slam vient de France, mais c'est faux, c'est faux, non. C'est faux. Ça vient de Chicago, en fait, des années 80. The spoken words. Genre, spoken mais poetry, même ça vient de Chicago. C'est Mark Smith qui a inventé le slam, right? Puis ouais. Ça, okay. C'était à Chicago comme tel, genre. Okay. Mais c'est parce que la différence, c'est qu'en France, ça a explosé, genre. C'est okay. Parce qu'en fait, le pays est plus petit, selon moi, et les problèmes sociopolitiques sont vraiment frappants. Puis l'image que tu dis, c'est qu'on met les saletés en dessous du tapis, tu sais. Et en France, le tapis est plus petit, alors les gens ont réagi plus vite au slam. Mais, donc, est-ce qu'on pourrait dire que le slam est une discipline artistique qui a évolué en parallèle avec le rap ou qui a évolué au même rythme et la racine finalement est un peu à la même époque. Non, je dirais pas qu'ils ont évolué de la même façon parce que le rap ou ce qui en est rendu aujourd'hui, c'est rendu une grosse machine commerciale. C'est utilisé. Le rap est plus ce qui était auparavant parce que le rap vient d'un mouvement prolétaire de gens qui, tu sais, ça vient pas d'une classe dominante. Et maintenant, le rap s'est rendu l'inverse. C'est utilisé par une classe dominante, par le capitaliste pour vendre des produits puis par un système. Tandis que le slam, c'est un mouvement du peuple pour le peuple, par le peuple. Et le rap, à la base, c'était ça que c'était, la culture hip-hop aussi, mais maintenant, la culture hip-hop s'est rendue, s'est fait vendre beaucoup par les grosses industries. Yeah. Et tandis que le slam, je vois vraiment pas ça, c'est aucunement comme ça. C'est sûr, mais c'est, dans le fond, ce mouvement de capitalisation, là, si tu regardes le jazz, puis le rock, puis le blues, puis le rap, c'est la même veine, c'est-à-dire, si tu regardes Eminem ou Elvis Presley, ça se ressemble, tu sais. Ouais. C'est un gros organisme avec du gros cash qui ramasse le mouvement. Mais même maintenant, finalement, le slam, c'est ce qu'on appelle un buzzword. Si quelqu'un te demande, t'es slameur, ça dénote pas une forme artistique comme telle, mais généralement, on va dire oui pour pogner le contrat, pour pogner le show ou l'interview à la radio, tu sais. Mm-hmm. C'est l'idée que c'est quelque chose, ce qui, vu que ça arrive à la conscience de masse, au grand public, ça fait que le terme devient de plus en plus tordu, etc. Mais c'est l'idée que ce qui est important pour moi, c'est que ça se rende dans la conscience de masse. Tu sais. Donc, est-ce qu'on pourrait voir le slam un peu comme une démocratisation du récital de poésie qui ne convient pas à tout le monde, généralement? C'est pas tout le monde qui est intéressé à entendre un récital de poésie. Est-ce que le slam vient pas finalement combler cette lacune-là? Mm-hmm. Oui. On pourrait faire un parallèle avec la religion facilement, là. Tu sais, les différentes sortes de messes, par exemple, dans la chrétienté, t'as la messe romaine catholique et la messe baptiste, par exemple, qui va être vastement différente. Et la même idée, justement, que... Et le gospel peut... qui est plus intéressant. Ouais, totalement. Tu sais, c'est ça, cette idée. C'est l'idée de qu'est-ce qu'on fait avec cet espace-là? Est-ce que la poésie, c'est censé être un truc comme... C'est par exemple, quelle est la différence entre la rythmique de Shakespeare, de Molière et de Détract? Ben, c'est ça, démocratie aussi, parce que n'importe qui peut faire du slam, comme qu'on expliquait tout à l'heure. C'est ça qui différencie, je pense, disons, la poésie, disons, classique, entre guillemets, avec le slam, c'est que c'est ouvert à tout le monde, fait que c'est ça la beauté de la chose, c'est... pour le peuple, vraiment. Mais je trouve ça laisse la place au langage bâtard, et ça, c'est appréciant. Ouais, et est-ce que le slam porte une culture qui est aussi forte, aussi distincte que la culture hip-hop, qui s'est un peu approprié le rap? Comment est-ce que vous voyez ça? Je trouve que les repères culturels sont moins exclusifs. Tu sais, dans le sens qu'on pourrait dire qu'il y a une manière de s'habiller hip-hop, de parler hip-hop, de penser hip-hop, etc. Je trouve que néanmoins, tout ça vit dans le cœur, là, comme... Ouais. C'est-à-dire que... tu l'incarnes à ta manière. Mais aussi, c'est ça, c'est un peu stéréotypé, justement, ouais, de dire que le hip-hop, c'est s'habiller d'une façon avec les marques de linge, ou parler d'une certaine manière, parce que je pense pas que c'est nécessairement ça aussi, parce que je pense que le hip-hop, tu l'as ou tu l'as pas, il y a une certaine façon de dire, si tu t'impliques dans le mouvement, si tu le fais, c'est qu'à quelque part, t'as ça dans le cœur, pis ça coule dans toi, tu sais. Mm. Le monde, souvent, les graffeurs ou les rappeurs, souvent les plus talentueux, ça va pas être ceux qui vont avoir les grosses marques de linge hip-hop américaines, ou qui vont même écouter du rap. Tu sais, ouais, t'as des graffeurs qui sont excellents, puis il y en a qui écoutent même pas du rap là-dedans, tu sais, ils écoutent du rock, puis mais dans le mouvement terme, dans le mouvement de la culture, ils font tellement bien, ils l'ont, tu sais, mais ça veut pas dire nécessairement qu'ils adhèrent à ce qu'on pourrait croire que quelqu'un adhère à ça. Mais le slam, c'est ça, je trouve qu'il y a pas, c'est pas comme le, parce que c'est pas commercialisé autant que la culture hip-hop, parce que ça en est vraiment. Et personne sait vraiment c'est quoi le slam. Fait que c'est ça qui est le fun, ça fait que c'est facile de se faufiler entre les clichés, parce que finalement, est-ce que c'est un jazz avec une musique parlée au-dessus? Est-ce que c'est comme un rap sans le beat en arrière? Ça laisse, c'est libre à interprétation, puis ça, je pense, ça laisse, c'est pas comme le ballet, par exemple. Si tu vas pour apprendre le ballet, tu vas pas décider vraiment pour toi-même c'est quoi le ballet, on va te dire, le ballet, c'est ça et ça et ça depuis tant d'années, tu sais. Et le slam, on pourrait dire que c'est une nouvelle école, mais vu que la nouvelle école n'existe pas, parce que tous les enseignements sont basés sur des enseignements qui existent depuis toujours, c'est comme tu as dit, une démocratisation de ce savoir. Et il faut le mentionner, c'est un art qui est construit sur une série de règles qui sont bien concrètes. Oui. Par exemple, ça se pratique a cappella, donc il n'y a généralement pas de musique. Et il y a d'autres règles assez... c'est très balisé, en fait, comme art. Quelles sont les règles principales, en fait? Maximum 3 minutes. Sans costume ni accessoires. Voilà. Exactement. Puis, je pense que c'est ça, généralement. Est-ce qu'on peut dire ce que l'on veut, par exemple, dans une joute oratoire? Ah, absolument. Tu peux dire ce que tu veux. Ouais. C'est sûr que la démocratisation embarque aussi, là, parce qu'on a la chance qu'on est comme a dit Ben Harper, on est la génération qui a rendu le racisme socialement inacceptable, par exemple. C'est-à-dire que finalement, vu que c'est démocratique, si tu dis un truc qui, éthiquement, a vraiment pas d'allure, tu vas te le faire ressentir. Ouais, c'est sûr. Mais il y a personne que j'ai vu jusqu'à maintenant qui s'était fait brider dans son expression de dis pas ça de même comme ça. Personnellement, moi, j'aime beaucoup tordre les règles. T'sais, exemple, si on pas de costume, pas d'accessoire, mais t'as le micro et le stand à micro. Bref, j'aime tordre les règles pour que la définition s'élargisse. Mais c'est sûr que les règles, comme t'as dit, aident à baliser, aident à créer un contexte qui est quand même assez uniforme. Et c'est aussi une compétition. Oui. En général, c'est-à-dire avec un juge et... Une bonne compétition. Ouais. C'est pas une compétition malsaine. Si je peux faire un parallèle avec le rap, mettons t'as les battle rap où moi j'en ai participé beaucoup, puis la compétition c'est négative là, tu sais, c'est vraiment c'est stressant les compétitions rap, parce que il y en a qui prennent tellement ça au sérieux que ça peut dégénérer à quelque chose d'autre après, tandis que le slam je vois même pas ça réellement comme une compétition à la fin, parce que dans le fond, qui t'es pour juger que le texte à l'autre est, mais tu sais, c'est tout le temps subjectif, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est très rassemblant. Donc, j'imagine dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire que tout le monde est invité à participer et on ne va pas te juger en fonction de tes textes. Mais en même temps, oui, comme dit Ivy, c'est un bon ego crusher. Ça détruit ton ego. Mais je trouve que la meilleure chose, c'est de. Faut que tu perdes des slams et faut que tu en gagnes. Pour te rendre compte que quand tu perds, ça ne veut pas dire que tu es le pire poète. Et quand tu as gagné, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es le meilleur non plus. C'est tellement subjectif qu'une fois que tu ramasses les miettes de ton ego, tout le monde est d'accord dans la salle pour dire que le vrai gagnant, c'est la poésie et le public. T'sais. Parce que aussi, c'est ça, c'est des juges qui sont désignés au hasard dans les soirées slam. Donc, peut-être qu'une personne qui va écouter les slams ce soir-là va préférer le style à midi qu'à moi ce soir-là. Puis, une autre soirée, ça va être totalement une autre affaire. Ils vont dire, moi, j'ai bien plus préféré des tracks qu'à midi. Tu sais, fait que c'est tellement différent d'une soirée à une autre. Donc, vous avez mentionné soirée slam. Dans quel environnement est-ce que le slam est mise en scène? Et quelle est l'importance de l'environnement dans lequel on pratique le slam, selon vous? Je trouve ça un impact socioculturel très important. Il y a beaucoup donc de slam dans des cafés, dans des bars, tu sais. Et bien sûr, là, ce qui se passe de plus en plus, exemple à Ottawa, c'est que tu as des grandes salles qui sont de plus en plus investies par certains événements de slam. Tu sais, ça, c'est ça qui me fait triper. Pas seulement l'idée de faire du slam guérilla dans la rue, etc., mais aussi d'aller dans les autres, dans une salle de théâtre, dans une salle de musique, c'est-à-dire faire ce pont socioculturel où ceux qui iraient juste voir du théâtre et pas du slam ou vice-versa se retrouvent dans la même... dans la même place. Ça, c'est qui m'intéresse. C'est très convivial aussi comme ambiance. Mm. Et puis, ce que je trouve de beau là-dedans, c'est que toutes les générations se retrouvent là. Tu sais, t'as du monde autant de 16 ans à 70 ans qui font du slam, puis ils se côtoient, puis maintenant... C'est mieux que ça. Est-ce que vous avez vu des gens si âgés? Certains. Et même plus, genre. Puis tous les styles, si je peux dire aussi. Tu sais, c'est... quand on dit démocratie, c'est vrai, tu le vois réellement dans les soirées, autant des hommes que des femmes. Et puis, c'est ça la beauté de la chose, surtout dans le monde dans lequel on vit, où on est tous pas mal enfermés dans notre petite maison en regardant la télévision, tu sais, puis le monde a souvent peur de sortir de chez eux. Je trouve que le slam, c'est quelque chose de beau parce que ça réunit les gens dans le moins d'événements qu'on a de plus en plus dans ce style-là, dans notre société aussi. Ouais, c'est une beauté de la chose. Moi, c'est une des affaires que j'ai aimé le plus aussi, c'est que tout le monde est ouvert, puis t'as toutes sortes de monde. Puis moi, quand je suis allé la première fois, j'avais aucune pression, là. T'sais, c'est pas comme dans le rap, dans la culture hip-hop, c'est comme le monde souvent interregarde les bras croisés. Les gens, ok, vas-y, qu'est-ce que t'as à donner? Ok, si t'aimes pas, t'es whack. Slam, c'est juste, tu fais ton affaire, puis tout le monde est ouvert. Ouais, exact. Et je trouve qu'une raison pour laquelle le slam terrifie, par exemple, la classe politique, c'est que tu mets. Quelqu'un avec un propos poétique, tu sais, qui va parler à des gens, va rejoindre des gens 10 fois plus directement que tel ou tel discours poétique qui justifie tel ou tel intérêt caché, tu sais. Et ça, là, intrinsèquement, c'est connu, tu sais, là. Il y a le rapport direct du poète au spectateur, tu sais. Et quelque chose qui est tellement efficace que ça va bien plus loin que la politique. C'est-à-dire que c'est pas un art de justification, c'est un art d'énonciation, tu sais. Et pas dans le sens de dénoncer, mais le fait d'exprimer en dedans de soi quelque chose qui nous apparaît comme évident à cause de ce qu'on vit, tu sais. Et ça, les gens s'identifient à ça, tu sais. Ça, pour moi, ça en fait ce qu'on pourrait appeler un mécanisme politique, mais en fait, c'est un mécanisme d'humanisation qu'on partage, tu sais. Et il y a aussi la mise en scène qui chevauche, en fait, l'écriture aussi, ou le récital des textes. Ouais. Donc, un lien entre performance sur scène et écriture. Ouais. Comment s'exécute le processus de création en ayant cette dichotomie-là en tête? Moi, je pense que c'est différent d'une personne à une autre, mais j'aime ce que tu viens de mentionner là, le performance et écriture, parce que j'aime ça, nuancer ça, que dans le slam, mettons, tu peux lire un texte, tu vas le lire sur une feuille, et peut-être tu vas lire le texte, tu vas dire, ah, c'est très ordinaire, ça, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de si poétique ou d'intéressant avec ça. Mais là, attends une minute, mais quand la personne arrive sur la scène en train de performer son texte, c'est totalement différent, parce que la personne, elle va y mettre des émotions, elle va y mettre des poses ici, là, fait qu'il y a tout l'aspect, ouais, il y a performance qui entre en ligne de compte, qui est importante dans le slam, je pense, c'est ce qui différencie aussi beaucoup de slameurs. Tu as beau avoir des bons textes, mais c'est aussi, il y a une manière de le dire, je pense aussi, qui coule mieux. Mais moi, personnellement, quand ça revient à ma création, je crois, ma performance, la manière dont je vais le performer, ça vient en dernier, je pense plutôt à l'écriture au début, et puis après, la performance, ça va venir en le pratiquant, mon texte, puis ça vient plus spontanément que de l'écrire sur le moment puis d'y penser. C'est sûr. Moi non plus, l'écriture va venir en premier. Je vais pas penser à la mise en scène pendant que j'écris. Mais ce que j'aime du slam, c'est que pour moi, le caractère imprévisible de joute en joute, c'est comment tu peux adapter ce que tu vas offrir par rapport aux gens qui sont allés avant toi. C'est-à-dire que dans l'aspect compétitif, comment tu fais pour augmenter la donne, tu sais. Mm-hmm. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça, cette idée de justement travailler avec ce qu'il y a autour. Pour amener les choses au prochain niveau. Tu sais, c'est un truc qui vient beaucoup de la culture hip-hop, je trouve. Là, taking it to the next level. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Donc, ce soir, vous serez, je ne sais pas si vous êtes là les deux, vous serez sans doute les deux au parc Jacques-Cartier. Moi, je suis là, à la maison des auteurs. Sûr, midi, on va voir. Là. C'est ça. Sinon, mon fantôme sera là, vous pourrez lui lancer du popcorn, il vous sourira. Donc au parc Jacques-Cartier, je voulais d'abord, avant de parce que vous allez nous faire l'honneur de partager quelques-uns de vos textes en direct à Ottawa, ici, si on veut, si on s'intéresse au slam, si on veut aller voir une joute de slam, où on va et comment se présente la scène culturelle de slam à Ottawa? Foisonnante. Il y a les premiers samedis du mois au Mercury Lounge à 7h dans le marché Bay. Il y a aussi l'Alliance française qui fait des séries de slam les mardis à 18h. Ça, faut aller les voir pour leur demander. Il y a le Café Nostalgica aussi qui fait les New Nostalgica Poetry Series. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça aussi dernièrement. Et il y a aussi finalement le Slam Outaouais qui fait ses activités entre la Maison des auteurs et le Troquet. Et il y a aussi des soirées de slam en anglais. Ouais. À Ottawa, j'imagine. Est-ce que vous avez déjà assisté à des soirées en anglais? Ouais, moi c'est le même. J'ai commencé en fait. J'ai commencé en anglais. Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'on note une différence entre les deux cultures? C'est une scène qui est plus, pas une scène. C'est le public qui va à ces soirées-là. Il est plus mûr dans le sens qu'il est plus habitué. Fait qu'il se déjeune plus vite. Il se déniaise plus facilement et ça fait que les gens embarquent beaucoup plus vite. Fait que cet aspect un peu gospel, tu sais, de l'engagement de la foule vraiment vocale, etc., et l'excitation à son comble, etc., ça, c'est vu que c'est cultivé depuis plus longtemps dans le contexte anglophone, ça paraît. Tu sais, exemple, les semi-finales et les finales du O Mercury Lounge, du Capital Slam, elles sont tout le temps sold out. Et il y a un line-up de 150 mètres avant le spectacle. Ouais. Donc, c'est tout nouveau du côté francophone ici, dans la région. Ça commence, là, vraiment. Puis, ouais. Là, comparativement à l'année passée, il y a plus de monde qui participe. Fait que je pense qu'il y a une certaine croissance, émergence du côté francophone. C'est sûr. Ouais. Je trouve que le point d'union, c'est que que ce soit en français ou en anglais, la majorité des gens qui sortent d'un slam vont dire à leurs amis « Hey, faut que t'ailles voir un slam, man, c'est des écœurants. » Ouais. Puis c'est ça qui compte. T'sais. Comme ça, eux viennent le faire. Ouais. Donc, on le mentionne à nouveau ce soir au Parc Jean-Cartier, à la Maison des auteurs, c'est ça, ouais, David? Oui. Donc, à quelle heure ce soir si on veut vous voir en spectacle? Soyez là à 7h30, je pense. Ouais. Et le fantôme de Mehdi sera peut-être, ou Mehdi en personne, sera peut-être également. Alors, comme je le disais, vous nous faites l'honneur de partager quelques-uns de vos textes, évidemment sans musique. On va commencer avec donc David Dufour. Est-ce que vous nous faites un peu un avant-goût de ce que vous allez livrer ce soir? Non, je vais faire un texte que je ne ferai pas ce soir. C'est sur la santé. Ça va même. Demande à Charlie dans sa factory chocolat qui rêve d'avoir un sac de riz. Potion magique rime avec Astérix, mais je pense pas que dans sa recette se trouve encore un sac de chips. Et si nos corps étaient un char, on ferait des pleins d'eau. Le Père Noël gagne encore du poids à cause du traîneau. On fonctionne à l'énergie solaire, mais sans la présence du soleil, je te jure, on perd de l'oxygène. So, sors ta crème et crème ta peau sur le tempo. Plie-toi aux exigences de ton corps comme le limbo. Tu veux être en forme et pas jumbo, fort comme Rambo. Si t'es d'accord avec moi, chante ce tango. Le corps est le temple de ton esprit, c'est quand tu t'en occupes le moins que t'en as l'air pris. Tu veux pas devenir une fenêtre de givre, tu veux devenir un Superman comme Christopher Reeves. Fait que cultive ton âme et lis des livres. Un jour, tu vas être fier de réaliser ce qui t'arrive avant de perdre des livres. Les mauvaises habitudes, il faut que tu t'en délivres. Dis-moi ce qui se cache dans ta valise. Dis-moi ce qui se cache dans ton frigidaire, ce que t'as dans ta boîte à lunch, le coffre de ton estomac. Dis-moi ce qui se cache derrière ta santé. Au nouvel an, moi, je te souhaiterai la santé parce que quand t'as la santé, le monde, tu peux changer les chansons, tu peux chanter les méchants, tu peux dompter, tu peux faire la route de l'enfer comme Dante, même si t'as un dentier souris à pleines dents. L'hiver peut paraître si long, ça donne un air de printemps. Je préfère manger naturel que de manger OGM ou de manger mes semelles, mais aucun appétit n'est parfait et c'est parfois difficile de savoir ce qui se cache dans l'assiette. Tu peux être végétarien, mais dis-toi une chose, végé, ça sert à rien. Remue tes fesses, sors une paire de patins, fais aller tes pattes comme les jambes d'un pantin. Prendre une marche, c'est simple, et ça réveille le matin. Si c'est jamais fait, il n'est pas trop tard pour un baptême. C'est saint, tu pourrais être saint d'esprit et pas un sans dessein, non pas un sans destin, car le monde t'appartient. C'est se sentir sainteté. Ouvre-moi ton frigidaire, je te dirai qu'est-ce que t'es. Dis-moi ce qui se cache dans ton frigidaire, ce que t'as dans ta boîte à lunch, le coffre dans ton estomac. Dis-moi ce qui se cache derrière ta santé. J'essaye de faire un meilleur choix entre sucre de dépanneur, sucrerie de la terre, sorcellerie dans les usines. On modifie des fruits pour faire des clones de vitamines et un clone n'est pas la même chose que le fruit à l'origine. Mais dis-moi ce qui se cache derrière ces compagnies quand des génies scientifiques sont complices de cette tragédie. Tant de stress et moi j'essaie de vivre, me désaltérer d'eau vive. Ce texte est un flot de vie, avale mes mots dans ton système immunitaire. C'est révolutionnaire, pas comme les industries qui punissent la terre et violent les forêts, l'air, les âmes, l'eau et la terre et veulent maintenant du profit dans l'agroalimentaire. Faut être plus smart que le bourreau, plus fort que le plus gros. C'est par mon corps, je vais commencer ce boulot. Soulève tes mains vers le ciel et les astres. Dis-moi comment tu te mets en forme, moi je te dirai de quoi t'es capable. Bravo! David Dufour qui sera ce soir en spectacle au Parc Jacques-Cartier à la Maison des auteurs. David Dufour donc suivi de Mehdi Hamdad. Ouais. Alors je vais commencer le poème avec une petite note, man. C'est que j'ai lu que Peter Monk, le fondateur de la société minière Barrick Gold a été nominé comme compagnon de l'Ordre du Canada. Alors, Barrick Gold fait des extractions exploitatives en Afrique, par exemple. Bref, il crase bien du monde en voulant payer des gens pour miner pour leur or. Et donc, ce mec-là, qui donc a fait un procès de millions de dollars contre un livre qui s'appelle Noir Canada, qui décrit partiellement les jolies choses qu'il fait pour son pognon. Donc, ce gars-là est nominé comme compagnon de l'Ordre du Canada. Mais bon, c'est pas nouveau. Regardez les statues qu'il y a sur la colline parlementaire. C'est tout des gentils amis. Donc, ce poème s'appelle « Sainte Rhoda Noah du Nunavut » sur une femme que j'ai rencontrée à l'hôpital. Elle, c'est un ange. 21 ans comme moi, elle vient du froid, du grand nord où on ne va pas. Des gros bleus sur la main, tout le bras. Le crâne, fracturé précédemment par le même amant qui, à coups de crosse, lui tendait maintenant la corde pour le pendre, comme si sa vengeance et sa lâcheté étaient un cadeau qu'elle devait prendre. Elle, c'est un ange, elle ne savait plus quoi faire, alors elle s'est jetée par la fenêtre. Sa fille de 4 ans était dans la pièce. Son autre fille de 3 ans était dans les mains de quelqu'un d'autre. C'était la deuxième fois qu'elle revenait avec le même gars, aimé uniquement et qui impunément faisait des blackouts comme une guérilla de l'alcool. Coma éthylique comme les autres dans la clique. La joke est trop cyclique pour pas être tragique. La joke est trop cyclique pour pas être comique. Mais là, moi, je ne riais pas. Elle, c'est un ange. Elle m'achetait des cadeaux dans l'hôpital, beige et bleu pâteux, et je ne le savais même pas. Je poussais consciencieusement sa chaise roulante dans les allées poussiéreuses du petit magasin. Elle se gavait les mains d'une tripotée de petits portefeuilles made in China, vanity, novelty, Canada fancy, cossins de voyage en plastique et cartes christiques avec les sourires Malibu white fresh des prophètes bien calendriers. Mais je n'en étais pas à être socio-cynique. Moi, je caressais ses cheveux doucement, épais et gracieux. J'ai senti, vu et essuyé bien des souffrances, mais là, son petit corps en Christ tenait toute la rage et la peine du monde entre ses dents. Dieu, il faut que tout cela arrête. On grince des dents ou on pleure et on aime, mais on continue. Elle, c'est un ange. Je lui propose et on tourne à gauche. Elle déniche ses cadeaux. En passant devant la cafétéria, entre 2 sanglots discrètement intenses, immenses, elle s'achète 2 sodas. Et puis au soleil, elle me demande d'aller lui chercher une cigarette. Elle, c'est un ange. Je reviens avec 2. Bravo, Mehdi Hamdad. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette prestation et merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là. Est-ce qu'il y a un site web qu'on peut consulter pour avoir davantage d'informations sur vous, sur Slam Outaouais ou sur ce qui se fait à Ottawa? Moi, je vais plugger mon MySpace. C'est www.myspace.com/DTRACKE. Là-dessus, vous avez des chansons rap, des vidéos, puis je mets les dates de mes slams aussi. Et on peut mentionner aussi que vous animez une émission à CHO. À CHO, tous les jeudis soirs de 6h à 8h au cœur de la rue. Au cœur de la rue, c'est à ne pas manquer d'ailleurs. Yes. Moi, on peut aller sur myspace.com/MehdiHamdad1, le chiffre. Et aussi, vous pouvez aller sur capitalslam.com. Et aussi, si vous tapez Slam Outaouais sur Google, vous trouverez bien des affaires là-dessus. Ouais. Merci donc à tous les deux. Toujours sur les ondes de CHUO 89.1 FM, vous écoutez l'émission Autour du Bloc avec François-Olivier Doré au micro et à la technique, Pierre-Antoine Rivard-Paquet. En première partie de l'émission, on avait Michel Bock pour les intéressés à réécouter cette entrevue. Elle est disponible en ligne sur notre site web au www.autourdubloc.ca, donc en balado-diffusion. On entend cette deuxième partie avec en studio avec nous les deux slameurs Mehdi Hamdad et David Dufour qui viennent nous parler de cette poésie, de cet art oratoire qui est le slam et de sa présence sur la scène culturelle communautaire ottavienne. Salut les gars. Salut. Le slam, on a tous un peu une idée de ce que c'est. C'est cette forme de poésie, cet art oratoire à saveur souvent très politique et qui peut porter un message très très fort. Pour vous, qu'est-ce que c'est le slam? Pour moi, c'est une. Pour moi, Mehdi Hamdad, c'est une forme d'expression qui est surtout très directe, qui est très accessible de cette manière-là. C'est une manière de partager des choses que finalement tout le monde voit et qu'on retrouve dans plein d'autres formes artistiques. T'sais. Mais surtout, la joke, c'est que le slam comme tel, c'est pas une forme artistique vraiment, ça symbolise, ça parle vraiment d'une joute compétitive, poétique, amicale, tu sais. Mais pour moi, ça symbolise le pont entre les différentes formes artistiques et surtout le pont entre les artistes et le public pour finalement se fondre en un, tu sais.